parler au quotidien. Yvan Amar. Evelyne Latanzio. Écoutez, Evelyne, c'est pas de ma faute. Je vous assure, c'est pas de ma faute. C'est bien que ça fait un quart d'heure que je devrais être là, mais c'est pas de ma faute. Il y avait une grève des trains, il y avait du verglas, j'ai dérapé, j'ai crevé, le petit a la grippe, ma mère m'a téléphoné au moment où j'allais partir. C'est pas de ma faute. Oui, vous êtes toujours en train d'essayer de dégager votre responsabilité. Je vous ferai simplement remarquer que vous pourriez le faire d'une manière peut-être un tout petit peu plus correcte. Vous pourriez dire, par exemple, que ce n'est pas de votre fait. Ça vous va, ça? Je pourrais le dire, mais j'ai peur que vous ne m'excusiez pas. Mais en effet, ce n'est pas de ma faute. Voilà une expression relativement bizarre quant à sa construction syntaxique. Elle est construite sur le modèle « ce n'est pas de mon fait ». Il est vrai que la façon de le dire a glissé. Au départ, on disait « ce n'est pas ma faute ». En faisant d'ailleurs référence à une prière catholique, le Confiteor, qu'on prononçait jadis en latin, « mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ceci est ma faute, ma très grande faute ». Mais il serait ridicule, en effet, pour faire cette prière, de dire « c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute ». Ça ne fait pas sérieux. Ça ne cadre pas. Il fallait dire en effet « c'est ma faute ». C'est ma très grande faute. Pendant longtemps, on a d'ailleurs considéré que l'expression « c'est de ma faute » avec la préposition « de » était incorrecte. Tout le monde le dit maintenant, et même les grammairiens les plus puristes l'acceptent, c'est vous dire. Ils sont bien obligés, les pauvres. En revanche, lorsque vous insistez et que vous dites « est-ce ma faute à moi ?» si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois. Oh, comme c'est galamment dit. Alors non seulement vous faites de la poésie, mais c'est même une petite préciosité littéraire. Oui, mais j'ai remarqué que cette préciosité, vous l'utilisiez avec une forme interrogative. Est-ce ma faute ou est-ce ma faute à moi? Ce qui témoigne d'un rien de recherche, ça c'est vrai. Eh bien, quand on emploie la forme interrogative, là, on n'a pas recours à la préposition de. Est-ce ma faute et non pas est-ce de ma faute, qui est plus rare. Ce qui n'est pas rare, c'est la construction avec « si », on l'a déjà noté. Et d'un autre côté, pour désigner le responsable, on dira que c'est la faute du préposé, parce que c'est toujours la faute du préposé. Oui, c'est la faute du concierge, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de mon grand-père. Si le courrier n'est pas arrivé à l'heure. Oui, et même parfois, c'est la faute à Voltaire ou c'est la faute à Rousseau. Alors attention, là, cette construction, bien sûr, est fautive. Elle a été popularisée par une chanson connue qui a été remise à l'honneur par Victor Hugo. Vous vous souvenez peut-être que dans Les Misérables, au moment de la mort de Gavroche, le petit Gavroche chante cette chanson. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne vous conseille pas d'en faire autant. Je n'y peux rien, je n'y suis pour rien. Voilà deux autres expressions qui permettent également de dégager, enfin d'essayer de dégager sa responsabilité. Il y a peut-être toutefois un sens un petit peu différent. Si je dis que je n'y peux rien, bien sûr, j'indique que je ne suis pas responsable, mais qu'en plus j'ai assisté quasiment impuissant aux choses. Je ne peux pas intervenir sur l'ordre des choses. Par exemple, j'étais invité chez les Dubois. J'ai amené un vieil ami, un camarade de collège. Il s'est très mal tenu, il s'est mouché, il a toussé, il a dit des bêtises. J'assistais à tout ça et je n'y pouvais rien. C'est-à-dire que d'un côté, ce n'était pas de ma faute, mais que d'un autre côté, je ne savais pas quoi faire pour l'empêcher. Je ne pouvais pas remédier à cet état de choses. Et vous ne pouviez pas intervenir? Donc j'ai assisté à tout ça, moi, qui n'en pouvais mais. Alors attention, là c'est très sérieux et un petit peu en décalage avec le spectacle lamentable de votre ami. Mais il s'agit simplement d'une expression ancienne qui ne fait pas du tout partie du vocabulaire oral. On ne parle pas comme ça, mais si on veut, on peut l'écrire.